Just you. Nobody else but you. I wanna be loved. J'essaie de devenir une actrice. J'essaie d'être vraie. Mais souvent des fenêtres s'ouvrent malgré moi sur mon vide. J'ai peur de devenir folle. Just you. Nobody else but j'essaie de faire sortir les parties vraies de moi-même. I wanna be kissed by you. Mais c'est trop difficile. Hello. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Quatrième épisode. En novembre 1960, la reprise du tournage des Désaxés de John Huston remit Marilyn face à Montgomery Clift dans un long plan séquence dialogué de 5 minutes. L'arrière-cour d'un dancing minable, le Dayton Bar. Sous une bâche noire goudronnée et des projecteurs de 10 000 watts, au milieu de carcasses de voitures, de canettes vides et d'ordures, Roselyne et Perse dialoguaient dans un air saturé de mouches. Les deux acteurs ne pouvaient dire leur réplique comme Huston le voulait, c'est-à-dire de façon hachée, méchante. Leurs mots étaient des caresses qu'échangeraient deux animaux blessés. Plus tard, le réalisateur se souviendra. Ce que je garde d'elle à cette époque, c'est l'innocence. J'aime la corruption de Hollywood. J'aime aussi qu'il y ait des êtres non pas purs ou intacts, ça ne veut rien dire, mais qui se savent corrompus. Corrompus, oui. Question de chair. Les êtres s'avarient comme les viandes, elles, non. Elles gardaient quelque chose d'incorruptible. Après 40 jours de retard, le tournage des Désaxés enfin achevé, Marilyn et Arthur Miller repartirent pour New York par deux vols séparés. Elle garda l'appartement de la 57e rue Est et lui s'installa à l'hôtel Adams sur la 86e rue Est. Elle reprit ses séances quotidiennes avec Marianne Criss, la psychiatre qui la suivait à New York. Et le reste du temps, visionnant les planches contact des photographies prises par Henri Cartier-Bresson, Inge Morath et Ev Arnold lors du tournage des Désaxés, elle rayait d'une croix rouge toutes celles où apparaissait Arthur Miller. 12 jours plus tard, lorsqu'elle apprit la mort de Clark Gable, Marilyn n'en parla pas à Criss. Ce n'est que quelques semaines après, de retour à Los Angeles, qu'elle se rua chez Grinson. That's because you make a man feel happy. Look, why don't you try it out here for a while, see what happens. You know, sometimes when a person don't know what to do, the best thing is to just stand still. Depuis que Clark est mort, vous ne pouvez pas savoir combien je suis cassée. Dans les scènes d'amour des Désaxés, je l'embrassais avec passion. J'aimais ses lèvres. Je ne voulais pas coucher avec lui. Je voulais simplement qu'il sache combien je l'aimais. Sentir ma peau nue contre ses vêtements. Un jour, j'ai manqué une journée sur le tournage. Il a mis sa main sur mes fesses comme on flatte un gentil animal et m'a dit « Si tu ne te maîtrises pas, je te donnerai une fessée. » Et puis il m'a regardé au fond des yeux « Ne me tente pas. » Il s'est mis à rire aux larmes. Ses fumiers lui ont même pas filé l'Oscar pour autant n'importe le vent. J'ai vu le film pour la première fois quand j'avais 13 ans. J'ai jamais rencontré après lui quelqu'un d'aussi romantique. Mais lorsque je l'ai connu, c'était différent. J'aurais voulu qu'il soit mon père. Qu'il me donne autant de fessées qu'il voulait. Pourvu qu'il me serre contre lui. Ils me disent que j'étais la petite fille de son papa chéri. Et qu'il m'aimait. Ah, bien sûr, vous allez me dire, fantasme dit bien classique. Le plus étrange, c'est que j'ai rêvé de lui il y a quelques jours. Il me tenait serré contre lui, assis sur ses genoux. Il me disait, ils veulent me faire tourner une suite à Autant n'importe le vent. Peut-être que tu pourrais être ma nouvelle Scarlett. Je me suis réveillée en pleurs. Sur le tournage des Désaxés, on l'appelait le roi. Et tout le monde, acteurs, techniciens, et même Houston, le regardait avec respect. J'aimerais qu'un jour, on me traite comme ça. Pour tout le monde, il était Monsieur Gable. Mais moi, il voulait que je l'appelle Clark. Un jour, il m'a dit que nous avions quelque chose de très fort en commun. Un secret. Sa mère était morte quand il avait 6 mois. Peu après, lors d'une séance très agitée, les pupilles dilatées, le regard tendu vers l'invisible ou le noir, Marilyn avait dit d'une voix légère, presque enjouée, comme on raconte une histoire à un enfant. Quand j'étais petite, je me prenais pour Alice au Pays des Merveilles. Je me regardais dans les miroirs en me demandant qui j'étais. Était-ce vraiment moi? Qui me regardait en retour? Peut-être quelqu'un qui faisait semblant d'être moi. Je dansais. Je faisais des grimaces. Juste pour voir si la petite fille au miroir faisait de même. Je suppose que tous les enfants sont emportés par leur imagination. Le miroir est magique, comme le cinéma. Spécialement quand on joue quelqu'un d'autre que soi-même. Comme quand je portais les vêtements de ma mère, que je me coiffais et me maquillais comme elle. Le rouge pour les joues et les lèvres, le noir pour les yeux. J'avais sûrement plus l'air d'un clown que d'une femme sexy. On riait de moi. Je pleurais. Quand j'allais au cinéma, il fallait m'arracher à mon siège. Je me demandais si c'était réel tout ça, ou bien des illusions. Ces immenses images-là, en haut, sur le grand écran dans la salle sombre, c'était le bonheur, la transe. Mais l'écran restait un miroir. Qui me regardait? C'était vraiment moi, la petite fille dans le noir. Moi, la grande femme dessinée par un faisceau d'argent. Moi, le reflet. En janvier 1961, une fois de plus, Marilyn retourna à New York. Quand elle prenait l'avion pour s'y rendre, elle ne savait plus si elle voyageait dans le passé ou dans l'avenir. Lorsque son divorce d'avec Arthur Miller a été prononcé, Billy Wilder dit « Le mariage de Marilyn avec Joey DiMaggio a échoué parce que la femme qu'il avait épousée était Marilyn Monroe et celui avec Arthur Miller parce qu'elle n'était pas Marilyn Monroe. » Après l'accueil sévère de son dernier film, Les Désaxés, Marilyn pense que sa carrière d'actrice est dans l'impasse. Dans l'appartement de la 57e rue Est, amaigrie et bourrée de calmants, elle passe ses journées dans l'obscurité de sa chambre, écoutant des chansons sentimentales, sans parler ni manger. Elle ne voit personne, sauf William Weatherby, un journaliste qu'elle avait connu à Reno pendant le tournage du film de Houston. Par un jour glacial d'hiver, ils ont rendez-vous dans un bar de la 8e avenue. Weatherby pense qu'elle ne viendra pas. C'est elle qui avait souhaité le voir, mais pourquoi tenir parole quand on touche le fond ? Et il n'était ni son parent, ni son ami, ni son psychanalyste. Il l'attend une heure. Elle ne vient pas. À peine est-il rentré chez lui que le téléphone sonne. Allô ? Excuse. Je dormais. J'avais pris quelque chose. Trop. Vous me pardonnez ? Nous pouvons encore nous voir ou bien vous êtes trop fatigué ? Depuis plus d'un an qu'il parlait avec elle, le journaliste avait compris que Marilyn, qui aimait tant se montrer, n'avait en fait qu'un désir, se cacher. Elle avait une faculté unique à ses yeux, apparaître pour mieux disparaître, passer pour celle que l'on voulait qu'elle soit, tout en laissant dans un retrait profond sa personne réelle. Un quart d'heure après le coup de téléphone de Marilyn, ils se retrouvèrent. Elle paraissait pleine de vie et s'était bien maquillée. Mais il lui sembla qu'elle se donnait encore en spectacle et cachait ses vrais sentiments. Il aurait aimé qu'elle ôte enfin son masque, mais peut-être craignait-elle de s'effondrer en public. Et le cinéma ? Vous savez, le cinéma, c'est comme les amours. Si tu n'en veux pas, tu as tout ce que tu veux. Si tu cours après, tu n'as rien. C'est l'histoire de ma vie. Être une star de cinéma n'a jamais été aussi plaisant que de rêver de le devenir. Quand j'ai arrêté, on ne m'a jamais autant proposé de rôle de star. Vous avez le choix. Être l'esclave des studios ou bien vous protéger derrière une célébrité inaccessible. Je ne peux pas cesser d'être une idole. Même avec les critiques, les photographes, les journalistes. Je leur donne l'impression de m'attacher à eux et ça marche. Avec tous. Vous avez lu le roman inachevé de Scott Fitzgerald, Le Dernier Nabab ? C'est beau. Mais la vision de Hollywood est trop romantique. Ça manque de violence, de criminalité. La mafia, tout ça. Tout ce qui en réalité ronge les studios. Ce n'est pas montré tout ça. Au contraire, on les voit très civilisés, ces salauds. Étendre la nuit, le grand roman de Scott Fitzgerald, vous l'avez lu ? Non. Je sais que la Fox prépare une adaptation. Il y a quelque chose de vous dans ce livre. Une actrice qui devient... folle ? Oui. Nicole Warren est une actrice un peu déséquilibrée. Elle se marie avec son psychanalyste et devient de plus en plus folle. Elle s'effondre, mais revient à la raison quand elle quitte son mari. Il comprend que c'est la preuve de sa guérison. Elle est assez forte pour se défaire de leur folie partagée. Finalement, c'est lui qui sombre. Un autre gin tonic ? Weatherby s'aperçut aussitôt qu'il mêlait en fait deux histoires. Celle de Nicole, la patiente de Dick dans le roman, et celle de Marilyn. Mais ça n'avait pas d'importance. Mélangeant les deux personnages féminins, il voyait à présent le portrait de cette femme fictive en face de lui. Marilyn aussi avait divorcé, mais cela ne l'avait pas guérie. Elle consultait chaque jour son psychanalyste. Mais quelle fin aurait sa nuit ? Comment son roman à elle finirait-il ? Tendre est la nuit. Un beau titre. La nuit est tendre. Parfois. En tout cas, on voudrait qu'elle le soit. Le docteur disparut dans la nuit obscure. La femme, un temps, échappa à sa nuit mentale. Ça me rappelle quelque chose. Il y a des nuits où je finis par trouver le sommeil. Et je ne vais plus me réveiller et avoir encore à continuer tout ça. Ça semble sinistre, non ? Je vous verrai bien jouer Nicole. Vous savez que j'ai parlé du rôle du médecin Laurence Olivier ? Pas tant. Il s'y connaît en folle, mais alors pas avec moi. Pour rien au monde, je ne me ferais soigner par lui, même à l'écran. Pourquoi vous ne le feriez pas avec Montgomery Clift? Deux personnes folles ensemble. Parfait. Et puis, la Fox ne m'a pas proposé le rôle. Ah, non. Bon. Où? Quand ils se séparèrent, le journaliste remarqua sa pâleur. Au revoir, William. Au revoir, merci. Elle devait manquer de sommeil. À bientôt, même. Et première de se revoir. Il la regarda s'éloigner. La dernière chose qu'il vit d'elle fut son dos. Elle n'avait pas de belles jambes. Marilyn se précipita pour acheter le roman de Fitzgerald. Elle fut fascinée par l'histoire du riche et célèbre psychanalyste Dick Deaver, devenu le mari de son ancienne patiente. Elle lut comment Nicole avait subi, enfant, des abus sexuels de la part de son père et était devenue schizophrène. Elle avait lu d'autres romans de cet auteur, mais pas celui qui racontait sa propre histoire. Dans une biographie du romancier, elle découvrit qu'il s'était aussi inspiré de la vie de sa propre femme, Zelda, pour peindre le personnage de Nicole. Marilyn connaissait leur histoire d'amour. Une phrase du roman la frappait. Hollywood était la ville des séparations infimes. Un univers de séparations fragiles et de toiles peintes. C'est ça qu'elle fuyait en s'éloignant de Greenson. Ça, les différences insensibles. L'inanité de toute chose. C'est simplement me faire perdre mon temps et vouloir ruiner ma santé. Les hommes veulent atteindre la lune, mais personne ne s'intéresse au cœur humain. Pourtant, il y aurait beaucoup à faire. Marilyn s'enfonça. En février 1961, après 47 séances en deux mois, débordée et effrayée par sa chute, Marianne Christ décide de la faire hospitaliser. Sous le nom de Faye Miller, elle est internée dans la clinique psychiatrique Penn Whitney. On ne lui demande pas son accord, on lui fait juste signer un papier. Elle a pris tant de drogues qu'elle ne s'aperçoit même pas qu'il s'agit de son bulletin d'admission. Marilyn a 34 ans, l'âge de sa mère, Gladys, lorsqu'elle avait été placée définitivement. Marilyn écrit aussitôt à Paula et Lee Strasberg, ses plus proches amies à New York. Chère Lee et Paula, le docteur Chris m'a fait entrer à l'hôpital de New York dans une division psychiatrique et placé sous les soins de deux médecins idiots. Ni l'un ni l'autre ne devraient être mes médecins. Vous n'avez pas eu de nouvelles parce que je suis enfermée avec tous ces pauvres dingues. Je suis sûre de finir comme eux si je reste dans ce cauchemar. Je t'en prie, aide-moi, Lee. C'est vraiment le dernier endroit où je devrais être. Peut-être que si tu appelais le docteur Chris et que tu l'assurais que j'ai encore toute ma tête et que je pourrais retourner suivre tes cours. Lee, je me souviens de ce que tu as dit une fois. L'art va beaucoup plus loin que la science. Et la science ici, j'aimerais l'oublier, comme ces cris de femme. Je t'en supplie, aide-moi. Si le docteur Christ dit que je suis très bien ici, tu peux répondre que je ne suis pas du tout bien ici. Je n'appartiens pas à ce lieu. Je vous aime tous les deux. Marilyn. Quatre jours plus tard, Marilyn sort et passe sa convalescence de l'autre côté de Manhattan, dans un hôpital situé sur l'Hudson River. Elle y reste du 10 février au 5 mars 1961. Quand elle en sort, une nuée de photographes encercle la femme la plus célèbre au monde. Il l'écrase de questions, lui arrache des autographes, essaye de toucher sa peau ou de frôler son sweater. Elle prend peur. Pendant quelques minutes, elle se sent mise en pièce. Elle aime qu'on l'apprécie, elle aime qu'on l'aime ou qu'on fasse au moins semblant. Mais cette fois, c'est autre chose, une dévoration. Un cauchemar dont elle peine à s'échapper. J'essaie de me trouver en tant que personne. Des millions de gens vivent leur vie sans se trouver. La seule solution pour moi a été finalement de m'éprouver en tant qu'actrice. Au début du printemps 1961, Marilyn décida de rentrer en Californie et supplia un Greenson très réticent de la prendre comme patiente à plein temps. Ils reprirent les séances. En mai, alors que Marilyn était à nouveau repartie à New York, d'où elle l'appelait chaque jour, Greenson décrit à Marianne Criss son projet thérapeutique. « Par-dessus tout, j'essaie de l'aider à ne pas se sentir seule, ce qui l'amène à fuir dans la drogue ou à s'impliquer avec des gens très destructeurs qui rentrent dans une relation sadomasochiste avec elle. » C'est le genre de programme qu'on adopte normalement avec une adolescente qui a besoin de conseils, d'amitié et de fermeté, et elle semble très bien le prendre. Elle a dit que pour la première fois, elle était impatiente de revenir à Los Angeles parce qu'elle pourrait me parler. Bien entendu, cela ne l'a pas empêché d'annuler plusieurs séances pour aller à Palm Springs avec Mr. Frank Sinatra. Elle me fait des infidélités, comme avec un parent. Quelques jours plus tard, de New York, Marilyn téléphona à Greenson pour lui annoncer qu'elle avait décidé de revenir définitivement à Los Angeles, la ville où elle était née, la ville où elle n'aurait, pour rien au monde, voulu mourir. La ville où elle mourra. If you listen, you can hear it call. Willery. There is a river. The river of no return. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Quatrième épisode. Avec Clotilde Morgiève, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Greenson, Mohamed Rouhabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, John Arnold, John Huston, Alain Fromager, William Weatherby. Et avec Alexandre Aubry, Claire Bauger, Brice Berrier, Anne Carr, Patrick Fontana, Frédéric Lebray, Christophe Gauzeran, Marie-Anne Mestre, Florent Houlier, Sandra Veloccia. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amintz. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. Gone forever.